Oublier se dit olvidar. Olvidar. Comment écrivez-vous olvidar? O-B-L-I-D-A-R. Le verbe est olvidar et non pas oblidar. Olvidar. Ah oui, donc O-L-B-I-D-A-R. Ça s'écrit O-L-V-I-D-A-R, hein, avec un V, bien que ça se prononce comme toujours en espagnol comme un B, hein, olvidar. Alors, comment dit-on « je ne l'oublierai pas » ? Lo olvidaré. Ça c'est « je l'oublierai », mais « je ne l'oublierai pas » No lo olvidaré. D'accord, no lo olvidaré. Et nous ne l'oublierons pas. No lo hemos. Nous ne l'oublierons pas. Hein? C'est du futur. Ah, no lo olvidaremos. Bien, hein? No lo olvidaremos. No lo olvidaremos. Je ne l'ai pas oublié, se dit. No. Non. Lo he olvid. Olvidad. Hein? Alors là, vous plongez dans le passé. Soit a. Ando. Non. Ça, c'est la forme en an, avec un n. Mais pour plonger dans le passé des verbes en ar, c'est tout simplement ado. Bien sûr, ado. Hein? Et l'autre terminaison pour les verbes qui ne sont pas un ar, c'est ido. Ado ou ido. Donc, je ne l'ai pas oublié. No lo he. D'accord. Et maintenant, vous plongez. Olvidado. Bien. No lo he olvidado. No lo he olvidado.